Hébreux chapitre 11. Or, la foi en présente les choses qu'on espère, et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont point été faites de choses qui apparussent. Par la foi Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par elle il obtint le témoignage d'être juste, à cause que Dieu rendait témoignage de ses dons, et lui étant mort, parle encore par elle. Par la foi Enoch fut enlevé pour ne point passer par la mort, et il ne fut point trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il a obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu, croit que Dieu l'est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi Noé ayant été divinement averti des choses, qui ne se voyaient point encore, craignit, et bâtit l'arche pour la conservation de sa famille, et par cette arche il condamna le monde, et fut fait héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi Abraham étant appelé, obéit, pour aller en la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi il demeura comme étranger en la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui eût point appartenu, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, et de laquelle Dieu est l'architecte et le fondateur. Par la foi aussi Sarah reçut la vertu de concevoir un enfant, et elle enfanta hors d'âge, parce qu'elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis, était fidèle. C'est pourquoi d'un seul, et qui était déjà affaibli par l'âge, sont nés des gens qui égalent en nombre les étoiles du ciel, et le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne se peut nombrer. Tous ceux-ci sont morts en la foi, sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu les promesses, mais ils les ont vues de loin, crus et salués, et ils ont fait profession qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui tiennent ces discours, montrent clairement qu'ils cherchent encore leur pays. Et certes, s'ils eussent rappelé dans leur souvenir celui dont ils étaient sortis, ils avaient du temps pour y retourner. Mais ils en désiraient un meilleur, c'est-à-dire, le céleste, c'est pourquoi Dieu ne prend point à honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur avait préparé une cité. Par la foi Abraham étant éprouvé, offrit Isaac, celui, dis-je, qui avait reçu les promesses, offrit même son fils unique, à l'égard duquel il lui avait été dit, les descendants d'Isaac seront ta véritable postérité. Ayant estimé que Dieu le pouvait même ressusciter d'entre les morts, c'est pourquoi aussi il le recouvra par une espèce de résurrection. Par la foi Isaac donna à Jacob et à eux et Esaü Tréma, une bénédiction qui regardait l'avenir. Par la foi Jacob en mourant bénit chacun des fils de Joseph, et se prosterna devant Dieu, étant appuyé sur le bout de son bâton. Par la foi Joseph en mourant, fit mention de la sortie des enfants d'Israël, et donna un ordre touchant ses os. Par la foi Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses pères et mères, parce que c'était un très bel enfant, et ils ne craignirent point l'édit du roi. Par la foi Moïse étant déjà grand, refusa d'être nommé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être affligé avec le peuple de Dieu, que de jouir pour un peu de temps des délices du péché, ayant estimé que l'opprobre de Christ était un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait égard à la rémunération. Par la foi il quitta l'Égypte, n'ayant point craint la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que celui qui tuait les premiers-nés, ne touchât point à ceux des Israélites. Par la foi ils traversèrent la mer Rouge, comme par un lieu sec, ce que les Égyptiens ayant voulu éprouver, ils furent engloutis dans les eaux. Par la foi les murs de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour durant 7 jours. Par la foi Rahab l'hospitalière, ne périt point avec les incrédules, ayant reçu les espions et les ayant renvoyés en paix. Et que dirai-je davantage? Car le temps me manquera, si je veux parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes. Qui par la foi ont combattu les royaumes, ont exercé la justice, ont obtenu l'effet des promesses, ont fermé les gueules des lions, ont éteint la force du feu, sont échappés du tranchant des épées, de malades sont devenus vigoureux, se sont montrés forts dans la bataille, et ont tourné en fuite les armées des étrangers. Les femmes ont recouvré leur mort par le moyen de la résurrection, d'autres ont été étendues dans le tourment, ne tenant point compte d'être délivrées, afin d'obtenir la meilleure résurrection. Et d'autres ont été éprouvés par des moqueries et par des coups, par des liens et par la prison. Ils ont été lapidés, ils ont été sciés, ils ont souffert de rudes épreuves, ils ont été mis à mort par le tranchant de l'épée, ils ont été errants çà et là, vêtus de peaux de brebis et de chèvres, réduits à la misère, affligés, tourmentés, desquels le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les trous de la terre. Et quoiqu'ils aient tous été recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant point reçu l'effet de la promesse. Dieu ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous.